Passez une belle journée, écoutez la première, tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, encore et toujours... Quand le prix du baril était au-dessus de 100 dollars, c'était fou. Le pétrole. C'est l'excrément du diable. Il existe en pratique assez peu d'exemples de pays pour qui la manne pétrolière a été une bénédiction. We are pursuing American energy dominance and by the end of this year... Oh, je vous en prie, épargnez-nous vos commentaires. Hein. 2-3 litres de super, un point, c'est tout. Et le tien n'a pas la capacité de voir clair dans la comptabilité d'une grande société comme Esso. Ces acteurs financiers, c'est-à-dire ce sont des gens, ils n'ont jamais vu une goutte de pétrole. On voit ce pétrole qui sort du trou au fond. Et après, on lève la tête, on regarde autour de nous et on voit des bidonvilles qui n'ont pas d'électricité. L'importation de la benzine devient chaque jour plus difficile. Les réserves établies par la Suisse doivent être économisées. C'est une science, l'évaluation des réserves. Mais c'est une science inexacte. Premier épisode... Faites-moi le plein. Le 1er mai 2003, 40 jours après le début des hostilités, le président Bush annonce depuis le porte-avions Abraham Lincoln, croisant dans les eaux du Pacifique, la fin des opérations majeures en Irak, démontrant à la terre entière l'écrasante suprématie militaire des États-Unis. 19 jours suffiront aux troupes américaines pour investir Bagdad, entraînant la chute du régime de Saddam Hussein après 24 années de pouvoir. L'un des principaux objectifs annoncés de cette campagne militaire, abattre Saddam Hussein, présenté comme le complice de Ben Laden et du réseau Al-Qaïda, est donc atteint. Reste, la paix revenue, à neutraliser les armes de destruction massive et à instaurer la démocratie. Mais derrière ce généreux programme, ne se cacherait-il pas un objectif moins avouable à fort parfum d'hydrocarbures ? C'est du moins l'avis de certains experts comme Sheikh Yamani, l'ex-ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, figure majeure de l'OPEP. I have no illusion. Je ne me fais pas d'illusions. Le pétrole est l'objectif principal de l'invasion de l'Irak et de son occupation. During the period of President Clinton. Lors du mandat du président Clinton, 10 Américains lui avaient écrit une lettre dans laquelle il lui suggérait que l'Amérique occupe l'Irak afin d'assurer le contrôle des gisements pétroliers. C'était il y a bien longtemps. Parmi ces 10 hommes, on trouvait le vice-président Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Armitage et d'autres encore. C'est un fait avéré. Comme l'avait annoncé clairement le vice-président Cheney au lendemain des élections présidentielles de novembre 2001, nos intérêts pétroliers stratégiques doivent se superposer à nos objectifs militaires. James Atkins, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. Notre politique a fait des Arabes nos ennemis. Et c'est toujours vrai. Mais d'un point de vue économique, nous dépendons d'eux pour notre pétrole. Ce n'est pas une position facile. Il faut replacer ce problème dans le contexte actuel. Il y aura toujours des gens à la Maison-Blanche pour dire qu'il faut trouver des solutions, non pas en produisant plus d'énergie, car ici, nous n'en avons pas les moyens, mais en nous emparant du pétrole irakien, et pourquoi pas de celui de l'Arabie Saoudite et du reste du Golfe. Cela nous permettrait de dicter nos lois pour toujours à tous les pays consommateurs, l'Europe, le Japon, l'Inde et tous les autres. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière. Cette situation est la conséquence des profondes mutations qu'a connues le monde du pétrole au cours de la décennie précédente. Entre la Première et la Seconde Guerre du Golfe, les techniques d'exploration et d'exploitation pétrolière, de plus en plus performantes, ainsi que la moindre dépendance de l'Europe aux hydrocarbures, provoquent une surproduction. Les prix s'effritent, puis s'effondrent en 1998, l'année noire de la crise asiatique. Dans cette conjoncture difficile, les grandes compagnies pétrolières, celles qu'on appelle les majors, prouvent une fois encore leur capacité d'adaptation. Face à la crise, elles se regroupent au sein de holdings de plus en plus puissants, baptisés « super majors ». C'est le cas de l'anglais British Petroleum, la BP, et de l'américaine Amoco, qui réalise la plus grande fusion de l'histoire du pétrole. C'est aussi le cas de la française Total, qui, après avoir absorbé la belge Petrofina, fusionne à l'autre compagnie française, Elf Aquitaine. Plus spectaculaire encore, la fusion des américaines Exxon et Mobil, qui deviennent la première firme mondiale devant les géants de l'automobile, General Motors et Ford. Comme vous le savez tous ici, je n'ai jamais été en faveur de la fusion pour la fusion. Mais il est clair que cette extension sera pour nous une source de grands profits. En d'autres termes, mieux vaut être ensemble que séparés. Jacques Attali. Il n'y a pas de gouvernement mondial, donc il n'y a pas de loi antitrust à l'échelle du monde. Et on peut très bien voir une entreprise comme Microsoft, ou pour eux comme Exxon, ou qui que ce soit d'autre, devenir tellement puissante à l'échelle mondiale qu'elle échappe complètement au contrôle de chaque nation et qu'elle impose ses règles à la planète. Ironie de l'histoire, Exxon et Mobil étaient au début du XXe siècle les deux plus beaux fleurons de la Standard Oil Company, l'empire pétrolier fondé par Rockefeller, du moins jusqu'en 1911 et de son démantèlement sous le coup de la loi antitrust. Le remariage entre Exxon et Mobil sonne comme la revanche posthume du vieux monopoliste qu'était Rockefeller. Conséquence de ces restructurations, les petites sociétés sont laminées au profit des supermajors qui deviennent plus puissantes encore. Elles concentrent leurs activités sur le raffinage, la distribution et la pétrochimie dont les résultats décuplent pendant la fin des années 90. Et le prix du carburant de grimper sans cesse. Pour le peuple, il s'agit de rattraper une partie du manque à gagner subi en 98. Nicolas Sarkis. Une fois que cela sera fait, je suis persuadé qu'au sortir de l'hiver, l'OPEP va corriger l'offre par rapport à la demande de manière à ramener les prix dans une fourchette beaucoup plus stable et plus modérée. Petit rappel d'une histoire toute récente. À partir de 1999, les prix du baril vont retrouver un cours normal jusqu'aux désillusions qui suivent la fulgurante victoire militaire américaine en Irak. Dès les premiers mois de l'occupation, il est clair que le brut irakien n'est pas prêt de revenir massivement sur le marché mondial. Contrairement à leurs espérances de paix civile, les troupes américaines sont confrontées à l'hostilité grandissante de la population. Plus grave encore, des factions armées de toutes tendances les harcèlent sans répit. Comment, dans ces conditions, les Américains pourraient-ils réorganiser et moderniser une industrie pétrolière ruinée par 10 années d'embargo ? D'autant que les sabotages d'équipements pétroliers se multiplient. L'objectif des stratèges de la Maison-Blanche visant à remodeler le Moyen-Orient en substituant le pétrole irakien à celui de l'Arabie Saoudite, pays coupable à leurs yeux d'être lourdement impliqué dans les attentats du 11 septembre, s'avère un échec. Et malgré les actes terroristes répétés qui menacent la stabilité, l'Arabie Saoudite reste, par la richesse de ses gisements, un irremplaçable fournisseur d'hydrocarbures pour les États-Unis et le reste du monde. Dans ce contexte géopolitique troublé, les prix du brut recommencent à flamber. Dès novembre 2003, la barre des $30 est franchie. D'autres facteurs interviennent pour amplifier cette nervosité du marché qui provoque une augmentation des prix du brut de 30% en 6 mois. c'est le cas des grèves à répétition du puissant syndicat du pétrole vénézuélien en conflit avec le gouvernement Chavez. Mais la cause principale de ce qui commence à ressembler à un choc pétrolier, un choc rampant, selon la formule de certains experts, est la formidable accélération de la demande pétrolière chinoise. Jusqu'à la fin du siècle dernier, la Chine était autosuffisante en matière d'hydrocarbures, quand soudain, dès les premières années du XXIe siècle, la situation s'inverse avec une brutalité et une ampleur sans précédent dans l'histoire du pétrole. Matt Simmons, ancien conseiller aux affaires pétrolières du gouvernement George W. Bush. La première fois que je suis allé en Chine, en avril 1997, j'ai été très étonné de voir autant de routes et d'aéroports en construction. Bien sûr, Pékin, ce n'est pas la Chine. Mais même à Pékin, il y avait encore énormément de vélos et très peu de voitures. Je suis retourné à Pékin courant février cette année et il n'y avait quasiment plus de vélos. Il y a maintenant des embouteillages monstrueux sur ces magnifiques autoroutes construites il y a à peine 7 ans. Maintenant, elles sont complètement saturées. Je pense que ce qui s'est passé en Chine ces 7 dernières années n'a rien d'étonnant. Et c'est très bien que les Chinois aient réussi à faire ça. Ils essaient simplement de se mettre au même niveau que celui du Japon des années 1960. Ironie du sort, la consommation par personne en Inde représente aujourd'hui environ un tiers de celle de la Chine. La Chine est en train de laisser l'Inde à la traîne. Ces deux pays ont-ils l'intention d'atteindre le niveau que nous avions il y a 20 ans? Pourquoi pas? Par contre, cela nous ramène à des problèmes beaucoup plus sérieux. Comment le monde pourra-t-il produire suffisamment d'énergie conventionnelle pour que ces changements se produisent? Les chiffres sont réellement stupéfiants. Pour son premier jour de cotation à Shanghai, le pétrole a connu une activité très dynamique, pas loin de 20 millions de barils papier échangés. C'est ainsi qu'on appelle les contrats financiers qui permettent de spéculer sur les prix du brut, mais avant tout de compenser les risques liés au commerce des vrais barils. Modeste, il pourrait apporter un peu de transparence au marché pétrolier chinois et permettre à la Chine d'économiser des dollars sur ses dépenses de pétrole. 7 millions de barils importés par jour, payables en billets verts, on approche quotidiennement du demi-milliard de dollars. Des contrats pétroliers en yuan sont donc bienvenus pour la Chine. L'Amérique contemporaine est l'héritière du rêve américain des années d'après-guerre. Un rêve de prospérité, de consommation sans limite, à la démesure d'un continent riche, immense et sans frontières. C'est lui qui a forgé les modes de vie des Américains d'aujourd'hui. Matt Simmons. Si l'on s'en tient aux statistiques, nous sommes en fait des consommateurs d'énergie extrêmement efficaces. On en utilise simplement beaucoup. On conduit beaucoup aux États-Unis car nous avons 48 États contigus et les gens ont toujours grandi en se disant « Je prendrai la voiture à Denver et 2 jours plus tard, je serai non pas à Chicago, mais à New York. » En Europe, pratiquement personne ne pense à conduire sur de telles distances. Au Japon, cela représenterait 5 fois le tour du pays. Donc, une des raisons pour lesquelles nous utilisons autant d'essence est que nous conduisons 2 fois plus. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons créé des banlieues, ce qui a entraîné la construction de maisons bien plus grandes et donc nécessitant davantage d'énergie. Nos maisons ont une surface au sol et une hauteur sous plafond bien plus grande. Nous n'avons jamais été très performants en matière de transport en commun. On pourrait dire d'une part que nous sommes en tort, mais d'autre part, étant donné la configuration géographique du pays, cela aurait été impossible à mettre en œuvre. Construire un réseau de transport en commun coûte cher et, de plus, retourner en arrière engagerait des sommes folles. Donc je pense qu'en quelque sorte, notre consommation d'énergie aujourd'hui et celle qui correspond aux habitudes mises en place dans les 10 ou 15 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il serait extrêmement difficile d'inverser ce système. À moins que les gens n'aillent plus habiter en banlieue et qu'ils retournent en ville. Mais les gens travaillent également à la maison. Il faudrait changer radicalement notre style de vie pour que notre consommation d'énergie ne soit plus la même. Des élèves de terminale d'un lycée du Texas ont effectué un sondage il y a environ une dizaine d'années. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais ils étaient stupéfiants. Environ 65% de ces lycéens ne savaient pas d'où venait l'essence de leur voiture. Quand on est face à ce type d'ignorance en matière d'énergie, il est très difficile de faire prendre conscience aux gens qu'ils doivent faire attention. C'est maintenant l'heure du teaser. Signé Total. Les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La plupart, issus de la mort des êtres vivants animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, plus la température et la pression augmentent. Des réactions chimiques éliminent alors les atomes d'azote et les restes d'oxygène. Ils ne laissent que des molécules formées de carbone et d'hydrogène qui constituent les hydrocarbures liquides et gazeux. Ces derniers se retrouvent au sein d'une roche appelée roche-mère. Ces hydrocarbures vont se déplacer sous terre, car plus légers que l'eau, ils ont tendance à remonter vers la surface de la Terre. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et suintent à la surface ou bien se solidifient en bitume en perdant leurs constituants volatiles. Mais si au cours de leur migration, les hydrocarbures rencontrent une couche imperméable qu'on nomme la couverture, ils sont piégés en dessous dans les interstices microscopiques et les fissures d'une roche, dite roche-réservoir. Dans cette roche-réservoir, la partie gazeuse des hydrocarbures remonte lentement au-dessus du pétrole en repoussant vers le bas la nappe d'eau. Un géologue soupçonnera-t-il quelques dizaines de millions d'années plus tard l'existence de ce piège et ainsi découvrir un gisement de pétrole ou de gaz? Après les États-Unis, après la Chine, autour de la Russie. La fin des années 90 marque pour la Russie les débuts d'une véritable résurrection, celle de son industrie pétrolière moribonde. Elle sera le moteur de son redressement économique et de son entrée dans la société de consommation. G. Robinson West, consultant pétrolier à la Maison-Blanche. Si vous allez à Moscou, vous verrez que tout l'argent est concentré dans la capitale et provient du pétrole. Il n'y a rien d'autre en Russie que le pétrole qui est vital pour l'économie. Le problème, c'est que lorsqu'une économie dépend uniquement du pétrole, il y a des risques qu'il n'y ait pas d'autres investissements dans les autres secteurs d'activité. Donc l'économie ne sera pas diversifiée puisqu'elle n'aura pas de flux de capitaux vers d'autres secteurs ou d'autres régions. Regardez ce qui se passe dans le monde entier, c'est pareil. Un des fondateurs de l'OPEP a dit que le pétrole, c'est l'excrément du diable, parce que le pétrole corrompt les pays et pervertit les décisions économiques. Et ça pourrait arriver en Russie aussi. L'épicentre de la renaissance pétrolière de la Russie post-soviétique se situe dans la région de la ville de Surgout, en Sibérie occidentale. Une ville pionnière construite une quarantaine d'années plus tôt, en pleine euphorie soviétique, et qui va accueillir des centaines de milliers d'héroïques travailleurs partis à la conquête de gisements géants, découverts au cours des années 50 sur les terres ancestrales des Kantis et des Nenets, deux des populations autochtones de la steppe sibérienne. Malgré les conditions climatiques extrêmes, les pétroliers soviétiques vont faire de l'URSS le plus grand producteur d'hydrocarbures des années 70, alors que s'amorce le déclin pétrolier des États-Unis. 20 années plus tard, les effets conjugués de la surexploitation des gisements et de la désorganisation du secteur industriel provoquent une succession d'accidents aux conséquences écologiques dramatiques. Ces catastrophes sont le reflet des carences d'un régime à bout de souffle qui s'effondre au lendemain de la chute du mur de Berlin en 89. Moscou est alors le théâtre d'agitations populaires et de luttes féroces pour la conquête du pouvoir. Gorbatchev, qui avait assuré la transition, est finalement évincé au profit de Boris Yeltsin, élu président de la Confédération de Russie en 1991. Et pendant ces années de troubles, l'ensemble du secteur économique est au bord de la faillite, d'autant que la production pétrolière diminue de moitié. En 1995, pour tenter de redresser la barre, le président Yeltsin lance un programme accéléré de privatisation des entreprises d'État. Il va bouleverser de fond en comble le secteur pétrolier que Lénine, pressentant son importance future, avait nationalisé au lendemain de la révolution d'octobre 17. C'est parmi ses proches que le président Yeltsin recrute les artisans de cette formidable mutation de l'économie russe qui bascule sans transition dans le capitalisme le plus extrême. S'enrichir au plus vite, le plus possible, devient dès lors le credo de ces capitaines d'industrie qu'on appellera bientôt les oligarques. Et c'est bien sûr dans le pétrole que les fortunes les plus colossales vont s'édifier. Un jeune homme à la fulgurante réussite, Mikhail Khodorkovsky, incarne à lui seul cette nouvelle oligarchie pétrolière. Mais contrairement à la majorité des nouveaux riches de la Russie post-soviétique, Khodorkovsky donne de lui l'image d'un homme simple et sans ostentation, respectueux des valeurs traditionnelles. Et pourtant, sa trajectoire est bien celle d'un grand prédateur. Après des débuts prometteurs dans des trafics en tout genre, cognac, matériel informatique, contrefaçon de vêtements de marque, cet ancien ingénieur chimiste d'origine modeste, passé par les jeunesses communistes, fonde en 1990 une banque d'affaires chargée dès l'époque de Gorbatchev de gérer des fonds de l'État. C'est dans ce cadre que le gouvernement Yeltsin confie à sa banque la privatisation de Yukos, l'une des plus importantes compagnies pétrolières de l'époque soviétique. À la stupéfaction générale, elle se l'attribue à elle-même, pour la somme de 350 millions de dollars. Khodorkovsky a maintenant les coups des franches pour déployer ses talents avec la voracité d'un Rockefeller, son héros, son modèle. Il se lance dans une vaste opération de charme auprès des Occidentaux et fait largement appel au savoir-faire pétrolier des Américains pour transformer Yukos en une puissante major d'envergure internationale. Symbole de cette réussite, Nefteyugansk, une ville de 100 000 habitants, située au cœur des champs pétrolières de Sibérie occidentale, tout entière dédiée à la gloire de Yukos, dont elle devient la capitale. Tout semble sourire aux entreprises de Yukos, d'autant qu'après les attentats du 11 septembre 2001, les Américains en quête d'alternatives au pétrole saoudien se tournent vers la Russie. Une lune de miel s'ébauche alors entre George et Vladimir. Elle se poursuit en mai 2002 au sommet présidentiel de Moscou. Les deux présidents signent alors une alliance énergétique dans le cadre du renforcement des échanges économiques entre les deux pays. Suite aux négociations entre les présidents Vladimir Poutine et George Bush, les accords suivants sont prononcés. Cette alliance se concrétisera 5 mois plus tard à Houston, Texas, capitale mondiale du pétrole. Washington promet d'investir généreusement dans le secteur pétrolier russe. En échange, le Kremlin s'engage à ouvrir largement ses vannes en direction des États-Unis avec l'ambition de devenir son premier fournisseur d'ici 2010. Mais si le pétrole sibérien recommence à couler à flot, reste à résoudre le problème de son transport sur d'immenses distances pour le rendre accessible aux tankers américains. Au lendemain des accords de Houston, quatre compagnies russes, dont Yukos, décident de prendre en main la construction d'un immense oléoduc privé long de 2500 km. Objectif visé, relier la Sibérie à Mourmansk, le seul port libre de glace toute l'année de la mer de Barents. Malgré ces conditions prometteuses, les majors anglo-américaines, attirées par le nouvel Eldorado pétrolier sibérien, se heurtent à l'opposition farouche de l'oligarchie pétrolière russe. J. Robinson West, consultant à la Maison-Blanche. Certains oligarques russes travaillent très dur pour empêcher l'entrée des compagnies occidentales dans ce marché. Ils veulent contrôler ce marché eux-mêmes. Ils veulent bien que l'Occident leur donne de l'argent, ils veulent bien qu'ils amènent leur technologie, mais ils ne veulent rien leur donner du profit que leur argent a généré. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, et certains y sont très bien parvenus. Extrait de Khodorkovsky, documentaire de Cyril Touski, sorti en 2011. L'avocat de Mikhail Khodorkovsky. Je ne peux révéler aucun détail, mais d'après ce que j'ai vu, je suis sûr à 100% que c'est une affaire purement politique. Jonathan Mann, flash de CNN. L'arrestation de Khodorkovsky lors de l'assaut surprise de son avion par les forces de sécurité est le fait le plus dramatique de la bataille en cours. George W. Bush. J'ai fait part de mes inquiétudes sur cette affaire au président Poutine. Car on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et il nous semblait, tout du moins aux gens de mon administration, qu'il avait été jugé coupable avant d'avoir un procès équitable. Il était emprisonné, puis jugé. Nous avons exprimé notre inquiétude concernant le système. Ce serait intéressant de voir si, oui ou non, il va faire appel. Je pense qu'il va faire appel. Ensuite, voyons comment l'appel sera géré. Nous surveillerons. Joschka Fischer, ancien ministre allemand des Affaires étrangères. Nous avions tout intérêt à demander, peut-on résoudre l'affaire Khodorkovsky et le faire libérer? Mais Poutine a eu une réaction épidermique et l'a violemment refusé. Vladimir Poutine. Concernant l'arrestation du patron de Yukos, il n'y aura ni bienveillance, ni négociation quant aux procédures des autorités pénales. C'est pourquoi je vous demande de mettre un terme aux spéculations et à l'hystérie. Et je demande au gouvernement de ne pas entamer de discussion. Khodorkovsky sera condamné à 8 ans de prison pour évasion fiscale et envoyé dans un bagne en Sibérie à près de 6400 km de Moscou. Notre épisode était intitulé « Faites-moi le plein ». Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « Origine, tarifs et dépendance ». Cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Svalen. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Svalen. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.